Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec, appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. On va parler de la Ligue nord-américaine de hockey avec notre ami Gilles Péloquin. Monsieur Ligue nord-américaine, c'est demain que je débattis. Salut Gilles. Bonjour Danny, oui, ça me fait toujours rire, mais écoute, je vais le prendre venant de toi. Hey Gilles, question ce matin, comment ça marche dans la Ligue nord-américaine? Philippe Paradis avait été échangé la semaine passée au cours de Saint-Georges-de-Beauce. Et encore une autre transaction, il revient finalement avec les Marquis, puis il signe un contrat. Moi, la question que je me suis posée la semaine passée, pour qu'il l'échange, ça veut dire qu'il avait perdu tout espoir. Puis là, il le ramène. Je comprends plus rien. Ben écoute, je ne connais pas les problématiques ou les dossiers des équipes concernant les transactions possibles, mais ce que je sais, c'est que c'est le commissaire Richard Martel qui a le pouvoir d'accepter ou de refuser une transaction. Dans le cas présent, hier, il m'a communiqué les deux transactions de Saint-Georges et demandé de faire un communiqué pour le site officiel de la Ligue nord-américaine parce que Richard Martel veut de plus en plus, et avec justesse et raison, que le site officiel de la Ligue nord-américaine soit de plus en plus vu, sans enlever à tous les autres qui ont des sites, à tous les autres qui font des nouvelles sur Facebook ou ailleurs. Moi, je pense que si on parle de Ligue nationale ou de Ligue américaine, ou exemple, junior majeur du Québec, tu dois, au départ, le commissaire, accepter la transaction, par la suite, l'envoyer à ton organe officiel, et par la suite, en troisième lieu, les relationnistes font leur travail pour écrire leurs nouvelles sur leur site et à leurs fans. Donc, il a accepté cette transaction hier, ce qui aidait les deux équipes, et sachant bien chaque fois que Philippe Paradis, à Normandin, au Lac-Saint-Jean, avait dit oui. Je lui ai parlé d'ailleurs hier à Philippe Paradis. Il m'a dit, j'ai pas joué depuis le printemps dernier, je me suis pas entraîné depuis le printemps dernier, j'ai le goût de revenir au hockey, et j'ai le goût de jouer chez nous. Donc, je vais m'entraîner pour les deux prochaines semaines et je m'attends à jouer un premier match début novembre avec la formation des Marquis. Dans l'autre cas, c'est à peu près le même scénario. C'est une transaction qui amène un gars qui voulait jouer, mais on n'avait pas de place pour lui régulier, Nouris Lamov, à Sorel-Tracy, qui va se retrouver à Saint-Georges et qui va jouer dès le 28 ou 29 octobre dans ce coin-là, parce qu'en ce moment, il est parti d'urgence hier en Russie, enterrer son père, malheureusement, qui est décédé. Okay. Dans le cas des deux autres dans ces transactions-là, ce sont des joueurs qui arrivent sur les listes pour 2-3 ans parce qu'ils sont déjà établis en France, dans la Ligue Magnus, un à Bordeaux, l'autre à Rouen, et ces deux équipes-là luttent pour la première place avec Grenoble et sont les trois meilleures équipes de la Ligue Magnus. Donc, c'est Paradis qui était peut-être pas prêt la semaine dernière, qui l'était cette semaine, et qui a donné le feu vert, et la transaction s'est faite finalement, Danny. Ah oui, c'est ça. Moi, j'ai hâte de voir Philippe, comment il va se débrouiller dans la Ligue nord-américaine, parce que ça fait un an qu'il n'a pas joué. Là. L'an dernier, il était chez nous à Normandin, donc c'est un choix de première ronde dans la Ligue nationale des Hurricanes à Caroline. Là, j'ai hâte de voir, parce que le calibre est très relevé de la Ligue nord-américaine, là, puis c'est un joueur parmi tant d'autres dans la Ligue américaine, Philippe. Là. J'ai hâte de voir comment il va se débrouiller avec les Marquis, ça. Comment que Benoît Gratton va l'utiliser. Là. Ça va être très, très intéressant à suivre là, pour ici, là, pour nous autres. Là. Oui, puis surtout, tu viens de le mentionner, un gars de cet âge, 26 ans, je pense, de mémoire, c'est un gars que tu dois faire jouer plus que 10, 12 minutes par match. C'est un gars qui a besoin d'un 17, 18 minutes. C'est un gars qui va s'apercevoir que, comme tu le mentionnes, le calibre est très relevé. Je te donne un exemple du match de samedi dernier, en matinée à Sorel-Tracy, remporté par les Éperviers 3-1 face à Saint-Georges-de-Beauce. Le match a duré 2h16 minutes. C'est pour moi du jamais vu depuis longtemps dans cette ligue. Oui, effectivement. Hey, tu as publié quelque chose ce matin sur les médias sociaux. Augmentation notable des assistances dans la Ligue nord-américaine. Ouais, ben j'ai mentionné, parce qu'on n'a que 10 matchs, il y a 3 équipes, quatre équipes même, devrais-je dire, qui ont joué 2 matchs. Les 2 autres n'en ont joué qu'un seul. Trois-Rivières, ça a été un plus-value. On a presque doublé de 6,68 à 1100 quelque chose. Et merveilleux. Oui. J'ai une déception. L'équipe finaliste de la saison, Thetford, 2 fois en bois 2000. Dites-moi pas que c'est à cause de la chasse. Dites-moi pas parce qu'il a fait trop beau. Quand tu es un amateur de hockey, je pense que tu peux aller dans ton aréna. Et je pense que dans la Ligue nord-américaine, la tangente des 2 dernières saisons et celle de cette année, on a en moyenne 1100 spectateurs par match, sauf c'était Trois-Rivières et l'autre, Jonquière à 1700, Trois-Rivières à 660. Donc, moi, je pense qu'on est bien lancé. Le web média a beaucoup aidé avec les 4 matchs, avec une moyenne de 3 500-4 000 clics vus par match. Ça fait parler la Ligue. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui font un travail formidable dans les médias sociaux, qui en parlent beaucoup de cette Ligue cette année. Et ça aide à ramener le monde dans les amphithéâtres. Mais on sait aussi que dès que le 1er novembre va arriver, avec le froid, à certains endroits, la petite neige au sol, on va retourner dans les arénas, on change l'heure, il va faire noir un petit peu plus tôt, on va reprendre goût aux amphithéâtres, et plus on aura, comme on l'a eu au cours des 2 dernières fins de semaine, de très beaux matchs de hockey, rapides, moyenne 2h30 les matchs, 8 ont été remportés sur 10 par le club local, déjà 2 fois prolongation et tir de barrage. Moi, je pense qu'on est choyé, et je m'attends cette année à une recrudescence, et le chiffre 1200, pour moi, est une possibilité, n'est pas farfelu, Danny. 1200, c'est très... C'est quoi la rentabilité, là? À tout le moins, couvrir ses frais dans les Nord-Américaines, c'est 1200, c'est-tu bon? Moi, je pense que à 1000, c'est bon. Pourquoi je me dis à 1000 ceci? On prend l'exemple des ventes qu'on a pour les logos sur la glace maintenant, les bandes, les billets de saison. Beaucoup d'amphithéâtres pour les clubs de la Ligue Nord-Américaine, au moins 4 sur 6, possède aussi les droits sur la restauration et les bars. Ça aide énormément à boucler ton budget, alors qu'il y a plusieurs années auparavant, tu n'avais que tes billets de saison ou ta vente de bandes que tu, des fois, devais partager avec un autre circuit tout dépendant de la ville où tu étais. Donc, maintenant, je prends l'exemple de Sorel, avec près de 275 000 $ de vente en commanditaire, en plus des 2 restaurants et des 3 bars, de la boutique souvenir, des billets moitié-moitié, moi, je pense qu'un 1000 spectateurs à Sorel, c'est suffisant. Tant mieux si on va jouer dans la moyenne qu'ils ont habituellement depuis 2 ans, 1150, c'est un plus-value. Ben oui, effectivement. Là, je veux parler des joueurs de la semaine, comme on le fait toutes les semaines. Jean-Michel Daou, 2 buts, première étoile de la semaine. Marc-André Tourigny, ça c'est un but de passe. Et Charles Corsi, le gardien de but des Éperviers de Sorel, 3e étoile de la semaine. Moi, je pense que c'est bien parce que Denis Boisvert, qui choisit en ce moment pour la Ligue, il est allé avec le ratio plus-value des matchs joués par ses joueurs qui ont vraiment permis la victoire à leur équipe respective. Corsi, entre autres, contre Saint-Georges samedi, Daou, et face à Sorel-Tracy, tu en as parlé de Tourigny. Tourigny, soit-il dit en passant, faut le souhaiter et le mentionner, est le gars qui revendique 2 buts gagnants déjà des 3 victoires de Rivière-du-Loup, une fois en prolongation contre Saint-Georges, l'autre fois le but gagnant en fusillade, tir de barrage contre Sorel-Tracy. Moi, je pense qu'on veut faire plaisir aussi en même temps, cette année, et avec justesse, en choisissant 3 joueurs de 3 équipes différentes. À la fin du mois, là, on va arriver avec la joueur offensif du mois, le joueur défensif du mois et la recrue du mois. En ce moment, André Bouvet-Morissette des Épaviers de Sorel-Tracy est peut-être pour moi dans mon livre le joueur recrue par excellence avec ses 6 points, dont 4 buts. Mm-hmm. Effectivement. Cours de Saint-Georges-de-Beauce, aucune de victoire. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Je regarde les chiffres depuis le début. Ils n'ont pas été déclassés, par contre. Hein? Non, mais il ne faut pas s'inquiéter pour deux raisons. Okay. Je viens d'en mentionner une. Pas été déclassé. Ce n'est pas qu'Adam Rousseau. Ce n'est pas que Mathieu ne fait pas du gars le travail devant le filet. Tu perds 4-3. Tu perds 4-3 en prolongation. Ouais. Tu perds 5-3. Tu perds 3-1. C'est des bas pointages. Mais il faut pas oublier ceci. Quand vous regardez l'alignement, quand il vous manque un Tommy Veilleux et surtout un Kevin Cloutier, le recordman de la Ligue, deux joueurs qui peuvent à eux seuls changer l'aspect d'un match, ils en paient le prix. Mmh. Défensivement, ils ont perdu un Martin Nollet. Ils ont manqué quelques joueurs au cours des premiers matchs de la saison. Sacha Pokula ne peut pas tout faire tout seul. L'arrivée d'Evgeny Nourislamov dès le week-end du 27 octobre contre notamment Trois-Rivières et le lendemain, le 28, Thetford, va certainement les aider. Et le plus vite possible que Kevin Cloutier reviendra au jeu, c'est un gars de leadership, c'est un gars d'expérience dans le vestiaire. Ça, Saint-Georges, je suis pas en peine, ils vont rebondir. Effectivement. Gilles Péloquin, Monsieur Ligue nord-américaine, on se reparle mardi prochain, même heure, même poste. Avec plaisir, puis bonne semaine. Monsieur Ligue nord-américaine, Gilles Péloquin.